C'est maintenant le temps du commentaire de disque de la semaine. Les commentaires de disque, mes commentaires de disque, vous pouvez les lire via le site de Centraire, www.centraire.qc.ca. Il y a également Québec Pop avec québecpop.com et sur ma page Facebook de Canrock, CANROCK. Cette semaine, portrait de famille, Haricot. Haricot a mûri et nous présente un deuxième opus, Portrait de famille, un album plus mature avec une belle recherche musicale grâce aux 9 compositions originales proposées par la formation musicale de la baie georgienne. Dès le début, on nous invite à la danse avec le medley du Barbier. Cette pièce, cette première plage, nous démontre bien l'évolution des membres de la formation franco-ontarienne. On poursuit avec une belle composition qu'on va entendre dans quelques instants. Cette composition-là est signée Nicole et Jill Lefebvre. « Ma terre, mon pays » est un beau crescendo qui nous invite au reste de l'album, qui est vraiment merveilleux. Sur ce disque, il y a 2 instrumentaux, « Le petit step » de Louis Lefebvre, une pièce à saveur folklorique dans laquelle on a droit quand même à un beau bridge jazz. Et il y a Dauphinelle de Jill Lefebvre, selon moi, une des plages les plus fortes de l'album, avec une belle mélancolie qui nous caresse. Donc, je vous invite à aller faire un tour tout simplement au www.haricotmusique.com. Haricot, c'est A-R-I-K-O. Donc, haricotmusique.com pour découvrir leur univers. On va y aller avec une première pièce. Signé par 2 des 3 sœurs, Nicole et Jill Lefebvre. Voici « Ma terre, mon pays » de leur album « Portrait de famille ». Voici « Haricot ». Il lui faut ventre, au ventre, au ventre. Il lui faut ventre, sa ferme jolie. Belle, vous êtes cruelle de me faire vendre ma terre, mon pays. Tu ne vois guère au guerre, au guerre, au tu ne vois guère au guerre, Père Marie. Elle est aride, aride ta terre. Abandonne-la étant un tout petit. Sont plus roses, allez en ville, mais je reste ici. Malgré sa peine, sa part, sa tristesse, il n'abandonne jamais son pays. Les années, elles passent, elles passent, elles passent. Et sur la terre de la clameur jolie, le mari se promène, seul sur ses plaines. Il ne lui reste que l'amour de sa vie. Sincèrement jolie, il lui dit belle, vous êtes cruelle de me faire vendre ma terre, mon pays. autre pièce maîtresse de cet album-là est sans contredit Haricot. C'est une chanson folklorique, presque Moyen Âge, avec des percussions qui lui donnent une couleur musique du monde. Vous pourrez en juger par vous-même dans quelques instants. On va l'écouter avec grand plaisir. Il y a aussi une autre pièce inspirée par « Ah, si mon moine voulait danser » et une couleur jazz. Nicole Lefebvre nous propose un de mes coups de cœur sur cet album-là. C'est l'extrait « À la fontaine, je m'y promènerai ». Encore très accrocheur, on s'y laisse emporter. L'album se termine avec Tous ensemble de Kelly Lefebvre, une chanson de rassemblement et de fierté franco-ontarienne qui avait déjà été lancée pour le 400e anniversaire de l'Ontario français. Mais on va y aller avec une pièce qui, selon moi, c'est la plus puissante de l'album. Voici Haricot avec la chanson Haricot de leur album Portrait de famille. Haricot vert d'Andenne, haricot rouge landé. Haricot vert d'Andenne, haricot rouge landé. Trois pauvres demoiselles aux champs s'en vont semer. Trois pauvres demoiselles aux champs s'en vont semer. Sous la grande chaleur d'un ciel ensoleillé. Haricot vert d'Andenne, haricot rouge d'Andé. Haricot vert d'Andenne, haricot rouge d'Andé. Semez, semez les graines pour haricot manger, pour haricot manger. Vint une pluie soudaine, les jeunes filles mouillées. Vint une pluie soudaine, les jeunes filles mouillées. Laissant tomber leurs graines, elles coururent s'abriter. Haricot vert d'Andenne, haricot rouge d'Andé. Haricot vert d'Andenne, haricot rouge d'Andé. Semez, semez les graines pour haricot manger, pour haricot manger. D'Andenne, dillam, d'Andé, d'Andenne, dillam, d'Andé. Sous les feuilles d'un arbre attend l'orage passé. Sous les feuilles d'un arbre attend l'orage passé. Passe à une vieille femme trois haricots donnés. Haricot vert d'Andenne, haricot rouge d'Andé. Haricot vert d'Andenne, haricot rouge d'Andé. Semez, semez les graines pour haricot manger, pour haricot. Semez, semez les graines pour haricot manger, pour haricot manger. Dandenne, dillam, dandé, dandenne, dillam, dandé, dandenne, dillam, dandé, dandenne, dillam, dandé. Passe à une vieille femme trois haricots donnés. Passe à une vieille femme trois haricots donnés. Aussitôt dans leur bouche le champ rempli de blé. Haricots vert d'Andenne, haricots rouge d'Andé. Haricots vert d'Andenne, haricots rouge d'Andé. Semez, semez les graines pour haricots manger, pour haricots. Semez, semez les graines pour haricots manger, pour haricots manger. Portrait de famille de la formation franco-ontarienne Haricot est surtout un portrait de la belle évolution musicale que cette formation a connue. Toujours avec la musique folklorique en toile de fond, on nous offre ici de belles nuances jazz, musique du monde et autres afin de présenter un produit solide et intéressant. Faites une belle découverte via leur site internet www.haricotmusique.com. Musique en français et haricot, c'est A-R-I-K-O. Donc www.haricotmusique.com. On va écouter une dernière pièce de cet album-là qui est vraiment très intéressant. C'est tout simplement la pièce « À la fontaine, je m'y promènerai ». Et c'est influencé un peu ou inspiré beaucoup par « Ah, si mon moine voulait danser ». Mais vous allez voir la belle énergie que la formation Haricot nous partage sur cet album « Portrait de famille ». Voici « À la fontaine, je m'y promènerai ». À la fontaine, je m'y promènerai. À la fontaine, je m'y promènerai. J'ai vu un maïs dans un champ de blé. J'ai vu un maïs dans un champ de blé. Danse, mon moine, danse. Tu n'entends pas la danse. Danse, mon moine, danse. Tu n'entends pas mon moulin marcher. J'ai vu le maïs et je l'ai goûté. J'ai vu le maïs et je l'ai goûté. Il était beau et bien sucré. Il était beau et bien sucré. Danse, mon moine, danse. Tu n'entends pas la danse. Oh, danse, mon moine, danse. Tu n'entends pas mon moulin marcher. Aussitôt fini, j'ai trébuché. Aussitôt fini, j'ai trébuché. Tombé tout droit dans le champ de blé. Tombé tout droit dans le champ de blé. Danse, mon moine, danse. Tu n'entends pas la danse. Oh, danse, mon moine, danse. Tu n'entends pas mon moulin marcher. Soleil chassé par la lune montée. Soleil chassé par la lune montée. Dans la lueur, j'irai ses bouches pied. Dans la lueur, j'irai ses bouches pied. Danse, mon moine, danse. Tu n'entends pas la danse. Tu n'entends pas mon moulin lola. Tu n'entends pas marcher. Danse, mon moine, danse. Tu n'entends pas la danse. Tu n'entends pas mon moulin lola. Tu n'entends pas marcher. Devant j'ai vu un étranger. Un moine qui dansait le sel carré. Un moine qui dansait le sel carré. Danse mon moine, danse. Tu n'entends pas la danse. Danse mon moine, danse. Tu n'entends pas mon moulin marcher. Si mon moine voulait danser. Si mon moine voulait danser. Je vais en mettre deux. Quelques gouttes de cigu, de la bave de sangsue, un scorpion tranché très fin. Et un peu de poivre en grain. Non! Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, de cuillère de purgatif, et faites bouillir à feu vif. Je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, tiédir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Non, non. On comprend rien. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Pressez trois quartiers d'orange. Je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisi dans du verre de gris, tant que votre pâte est molle. Et un peu de vitriol. Non! Franchement. N'importe quoi. Non, mais pas vite, vite. Hey! Oui! Ah! Je savais que ce serait bon. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Thank you. pronostic. Demain sur les bords d'une île, que mangeront les crocodiles? Des Gaulois. Non, vous n'avez pas rêvé. On a bel et bien débuté notre bloc de l'Est Québec-Ontario avec la pudding à l'arsenic c'est repris du film d'animation Astérix et Cléopâtre et c'est repris par Christine Tassan et les imposteurs qui sont en France en ce moment et que ça va très bien. Je regarde leur Facebook. Je vois ça sur les médias sociaux tous les jours. Beaucoup de photos, de clips, de petits bouts de vidéos. Ça semble bien rouler pour eux du côté de la France et je suis bien content pour elles. Hein, ces quatre femmes virtuoses qui forment Christine Tassan et les imposteurs. Et c'est vraiment magique ce qui se passe. Je suis bien content pour elles. On va poursuivre notre bloc de l'Ontario et du Québec, le bloc de l'Est, avec tout simplement Madame Mélissa Ouimet qui, début avril, devrait nous sortir ces jours-ci là un petit EP qui s'appelle « Amour jetable ». C'est la pièce-titre qu'on va entendre dans quelques instants. Il y a aussi l'homme exponentiel qu'on va entendre, parce que l'homme exponentiel, vous pouvez le voir sur ma page Facebook de Canrock, c'est Steph Paquette qui a un printemps super occupé, bien content pour lui. Donc, on va entendre l'homme exponentiel. Et par la suite, on va entendre Or et Flamme de Kimia et Le R, qui eux seront le 20 avril au Centre national des arts à Ottawa. Ensemble pour un spectacle, le R premier et Kimia. Mais pour commencer, voici Amour jetable. Qu'est-ce que tu crois comme moi, je crois que l'on s'oubliera. Crois-tu vraiment que je pense encore à toi? Mais où on s'est vu déjà? Sans perdre pied, j'ai défilé et j'ai eu le choix. L'amour ne s'attache pas, ne s'avoue pas comme autrefois. Tu peux baisser les bras. Ni chaud ni froid. Est-ce que tu as vu entre nous? J'ai déjà changé les draps. Mais où on s'est vu déjà? Qu'est-ce que tu fous là? À quoi tu joues? C'est une partie que tu ne gagneras pas. Tu peux baisser les bras. We'll

maîtrise ton style, fini les bifs, bis loin. Je me défoule, fais la, fais la, fais la, fais la houle. Je me défoule, je fais la, fais la, fais la, fais la houle. Viens, qu'on se défoule, fais la houle. Viens, qu'on se défoule, fais la, fais la houle. Mesdames, messieurs, je rêve en grand, je vous parle de paix. Venez qu'on se rassemble afin de pouvoir vivre ensemble. Bien, loin des trafics et des machettes, pensons nos blés. L'amour et l'amitié, bien avant que tout s'effondre. Et faudrait pas oublier que l'union fait bien la force. Elle aide à me relever à chaque fois que je tombe. Dans l'ombre, je poursuis, suis les traces de mes icônes. Icônes et tout comme eux, eux, c'est bien les gifs que je prône, yeah. Je me défoule, fais la, fais la, fais la, fais la houle. Je me défoule, je fais la, fais la, fais la, fais la houle. Viens, qu'on se défoule, fais la, fais la houle. Viens, qu'on se défoule, fais la, fais la houle. À tour de rôle, on est en vie, on meurt, on pleure nos proches. Le temps c'est de l'argent, j'ai une montre dans les poches. Avant que ma flamme s'éteigne, je voudrais voir ce monde changer. Moins de haine, plus de joie, moins de kalachnikov chargé. J'ai le rêve d'être parmi les leaders d'un peuple devenu invincible. Un peuple couleur ébène, fort de ses convictions, mépris pour cible. Nous sommes leaders d'une génération d'irréductibles qui combat afin de forger une nation indestructible. Et on s'insurge, c'est pour le bien de nos communautés. À cause de nos ressources, nos terres n'auront jamais connu la paix. Alors on prie, le nirvana est en attente. Astacien pris en dehors de la caravane. Je tends ma tente pour voir nos ethnies unies sous la même étoile. Sous le soleil d'Afrique, regardons cuit sur la même poêle. Pendant qu'ils pillent les trésors de notre innocence, face au public point levé, on chante notre indépendance. Je me défoule, fais la, fais la, fais la, fais la houle. Je me défoule, je fais la, fais la, fais la, fais la houle. Viens, on se défoule, fais la houle. Viens, on se défoule, fais la houle. Je me défoule, fais la, fais la, fais la, fais la houle. Je me défoule, je fais la, fais la, fais la, fais la houle. Viens, on se défoule, fais la houle.